l'appli Radio Player France, c'est faire le choix d'écouter ce que je veux, quand je veux, où je veux, en live ou en replay. Mais c'est aussi avoir le choix entre 230 radios, 700 web radios et plus de 200 000 podcasts. Ah oui, c'est un choix totalement gratuit aussi. Radio Player France, l'appli de toutes les radios. Vous y êtes confrontés tous les jours, au moins depuis quelques années, qu'il s'agisse d'un petit personnage rigolo dans le coin de votre navigateur qui vous incite à parler avec lui ou à lui poser toutes vos questions, d'un répondeur téléphonique intelligent qui vous demande de formuler votre question à voix haute ou de votre assistant numérique via votre enceinte ou votre téléphone qui répond plus ou moins à toutes vos questions, les chatbots, les agents conversationnels, s'ils ne sont pas encore parfaits et assez loin de passer le test de Turing, s'améliorent mois après mois et promettent de se substituer à terme aux interfaces que sont l'écran, le clavier et peut-être même l'être humain. Chatbot, parle à ma fenêtre, c'est le programme conversationnel qui est le nôtre pour l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Et pour tout comprendre au fonctionnement et à l'amélioration de ces agents informatiques qui veulent nous tenir le crachoir, j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Catherine Pellachaud, bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice de recherche CNRS à l'Institut des systèmes intelligents et de robotique de Sorbonne Université. Et Nicolas Sabouret, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur en informatique à l'Université Paris-Saclay, enseignant à Centrale Supélec et chercheur au laboratoire interdisciplinaire des sciences du numérique. Mais pour commencer, dis Natacha Triou, donne-moi le journal des sciences. Bonjour Nicolas. Bonjour Natacha. Allez, un peu de sérieux. On commence avec une étude parue dans la revue Frontiers in Ecology and Evolution qui prouve que les abeilles peuvent faire la distinction entre les nombres pairs et impairs. Oui, depuis quelques années, on découvre les capacités mathématiques des abeilles. On a découvert qu'elles peuvent compter jusqu'à 5, qu'elles reconnaissent les quantités, qu'elles peuvent classer les chiffres du plus petit au plus grand, qu'elles comprennent le zéro, une faculté que l'on pensait culturelle, qu'elles peuvent associer les quantités avec un symbole et qu'elles sont capables de faire des débuts d'addition et de soustraction. Cette équipe franco-australienne a appris à des abeilles à faire la différence entre des chiffres pairs et impairs. C'est ce qu'on appelle la classification par parité, une capacité que l'on pensait être exclusivement humaine. Les abeilles en sont donc capables avec leur cerveau doté de seulement 960 000 neurones contre les 86 milliards du cerveau humain. Aurore Avergas-Weber est éthologiste en cognition animale et travaille au Centre de recherche de la cognition animale à Toulouse. Elle est l'autrice de cette étude. On a proposé aux abeilles, à chaque fois, le choix entre deux images. Les images étaient composées avec des ronds noirs sur un fond blanc. Et donc, il y avait un certain nombre de ronds sur le fond blanc. Donc, par exemple, 3 ronds contre 4 ronds. Elle avait le choix entre une image avec 3 ronds et une image avec 4 ronds. Et donc, pour une abeille donnée, on récompensait que les images impaires. Une autre abeille, ce serait les images paires. Donc, dans ce cas-là, 3 contre 4, il faut qu'elle aille sur 3 pour avoir le sucre. Si elle choisit 4, elle a une solution amère de quinine qu'elle n'aime pas du tout. Donc, ça la motive à faire le bon choix. Et d'un essai à l'autre, à chaque fois qu'elle revient, on change les quantités. Donc, ça peut être 1 contre 2, 1 contre 4, 2 contre 3, 2 contre 4, etc. On fait varier les nombres, mais en restant dans une quantité inférieure à 5. Et donc, après cet apprentissage, on leur a proposé un test de transfert, c'est-à-dire c'est une nouvelle situation pour vérifier qu'elles ont bien appris la règle. La règle, c'est choisir le nombre pair, par exemple, et non pas qu'elles ont appris 2 égale récompense, 4 égale récompense. Il faut vraiment qu'elles comprennent que c'est la parité qui nous intéresse. Et donc, dans ce test de transfert, on est allé sur des nombres beaucoup plus grands. On est allé à 11 contre 12. Donc, même nous, on avait du mal à faire la différence. Entre rond sur contre 12 ronds, c'est très difficile à faire la différence pour nous. Et on s'est rendu compte, on était nous-mêmes étonnés du résultat et très intéressés, que les abeilles, dans leur majorité, étaient capables de choisir le 12 si elles avaient été récompensées sur les nombres pairs ou le 11 si elles avaient été récompensées sur le nombre impair. Mais reste encore l'interrogation de comment elles le font exactement pour la parité. Toutes ces études chez l'abeille et chez la compréhension des nombres, ça nous montre vraiment la similarité en fait de compréhension des nombres qu'on n'attendait pas du tout chez un insecte, un invertébré. Toutes les études que l'on montre, on est très étonnés, c'est très intéressant et fascinant, c'est qu'on trouve en fait des très grandes similarités avec le fonctionnement des primates en général. Ça nous remet en cause finalement notre définition de l'intelligence, puisque cette capacité mathématique là de catégoriser les nombres pairs et impairs, ça semble quelque chose de quand même complexe qui est acquis effectivement à l'école, mais ça ne veut pas dire finalement que c'est si complexe pour le cerveau. Et si vous voulez tout comprendre à ce génie des abeilles, eh bien, comme chaque jour, on vous a mis les liens vers l'étude originale, toutes les études du Journal des Sciences, ainsi que celles que nous mentionnerons au cours de l'émission. C'est à retrouver comme chaque jour sur notre fil Twitter @laméthodefc. Et on passe au bref. Hier, le Parlement européen a rejeté l'interdiction totale du chalutage de fond des aires marines protégées. Oui, cette méthode de pêche, qui représente environ 50% de la production de poissons, est controversée car elle est particulièrement destructrice. Alors que les Nations Unies estiment qu'il faut protéger environ 30% des environnements terrestres et marins d'ici 2030 pour endiguer la chute de biodiversité, et que nous sommes encore très loin du compte, les eurodéputés ont donc refusé l'interdiction totale du chalutage dans l'ensemble des aires marines protégées. Il faut savoir que sur les 33% d'eau française classée, 12,5% d'entre elles n'imposent aucune restriction et que seuls 1,6% de ces aires sont protégées au sens strict. Alors néanmoins, un amendement a été adopté hier, l'interdiction de l'extraction minière et des exploitations fossiles dans ces aires marines protégées. Cette fois-ci, ça semble bien devenir une réalité. La Russie devrait quitter sous peu la station spatiale internationale. Oui, la Russie s'apprête à mettre fin à plus de 21 ans de collaboration spatiale internationale. Selon Moscou, cette décision est motivée par les sanctions économiques imposées à la Russie suite à la guerre en Ukraine. Dmitri Rogozine, le patron de l'agence spatiale Roscosmos, a annoncé aux médias d'État russes qu'il déposerait un préavis de départ de 12 mois pour quitter l'ISS. La Russie devrait donc encore faire partie de la station jusqu'en 2024. De son côté, la NASA a annoncé vouloir maintenir ce projet jusqu'en 2030. Et enfin, selon une étude parue dans PNS, la découverte d'un corps de femme dans une sépulture du néolithique jette le trouble. Le site funéraire à Fleury-sur-Orne, en Normandie, vieux du 5e millénaire avant notre ère, est l'une des plus anciennes structures funéraires d'Europe occidentale. Ce site monumental néolithique appartient à la culture Cerny et il est normalement dédié aux élites masculines. Une équipe française y a découvert 19 corps. Sur 14 d'entre eux, il a été possible d'extraire de l'ADN ancien. Les chercheurs ont été très étonnés de découvrir le corps d'une femme, d'autant que celle-ci a été enterrée avec une flèche, ce qui, dans la culture Cerny, est un symbole associé aux hommes de pouvoir. Selon les auteurs, cette découverte remet en question un préjugé sexuel strictement biologique dans les rites funéraires de ce cimetière monumental. Merci Natacha, à demain pour le prochain Journal des Sciences. En 1950, Alan Turing, celui que l'histoire retient aujourd'hui comme l'inventeur de ce qui deviendra l'ordinateur, Alan Turing donc, imagine un test pour le futur, test qui doit permettre de discriminer ou non si un interlocuteur humain s'adresse à un autre humain ou à une machine. Ce test de Turing, de nombreux ordinateurs l'ont passé au fil du temps et à une exception qui fait d'ailleurs encore débat, aucun ne l'a réussi. Il faut dire que lorsque vous naviguez sur Internet et qu'un assistant vous propose de discuter avec lui dans le coin de l'écran, il est aisé de se rendre compte que l'on parle dans un premier temps à un programme censé nous orienter au mieux vers un interlocuteur humain qui, lui, répondra à nos questions. Mais avec le progrès de l'intelligence artificielle, avec l'évolution de l'apprentissage supervisé ou non supervisé, ces agents conversationnels pourraient bien d'ici quelques années, peut-être quelques mois, passer haut la main le test de Turing. Toujours est-il que pour l'heure, chaque tentative de développer une machine empathique à même d'animer des conversations s'est soldée par un échec cuisant, comme en témoigne notre archive du jour. Les agents conversationnels, aussi appelés chatbots, interagissent de plus en plus couramment avec les humains. Ces machines aux petits soins pour leurs utilisateurs s'immiscent de plus en plus dans nos vies au point qu'elles pourraient devenir des outils de manipulation. Il y a un an, jour pour jour, l'agent conversationnel sud-coréen Liluda, on utilise plus communément l'anglicisme de chatbot pour désigner ces machines qui interagissent en langage naturel à l'écrit comme à l'oral, défrayait la chronique. Lancé quelques semaines plus tôt, ce chatbot avait réussi à rassembler près de 750 000 utilisateurs séduits par cette voix capable de faire ami-ami avec ses interlocuteurs humains. Bref, le compagnon idéal avec qui, en confiance, on aime papoter et se confier. Ce rêve de la machine empathique dura moins de 30 jours. Quelques semaines après son lancement, les concepteurs de l'Illuda durent se résoudre à déconnecter l'intelligence artificielle qui animait les conversations après que cette dernière ne perde les pédales en répondant à certains de ses utilisateurs par des messages sexistes ou ouvertement racistes. 1. Scatelab, le concepteur de ce chatbot, se fendit de plates excuses expliquant que l'intelligence artificielle qui avait servi à développer cet agent conversationnel devait être éduquée pour qu'elle exerce son jugement sur les réponses qui sont appropriées, plutôt que d'apprendre sans discernement. 2. C'est un fait, nous vivons entourés d'écrans connectés et de systèmes boostés à l'intelligence artificielle capable de communiquer avec nous en langage humain, au point parfois de ne plus savoir qui parle, humain ou machine. Voilà, vous l'avez reconnu, en l'occurrence, ce n'était évidemment pas une voix humaine, mais une voix de synthèse pour nous raconter cette histoire qui nous en rappelle une autre, celle du chatbot Tay de Microsoft lancé sur Twitter, qui elle n'a pas tenu 30 jours, mais quelques heures à peine avant de proférer des injures et des propos racistes et néo-nazis. Alors bon, ce sont évidemment des exemples, ce sont des arbres qui cachent une forêt d'autres formes de réussite, mais toujours est-il que ça donne quand même la mesure, Catherine Pellachaud, du fait que pour le moment, on est encore relativement loin de la machine empathique autonome, disons. Oui, absolument. Là, déjà, il faut savoir un peu qu'est-ce qu'on entend. Quel va être le rôle du chatbot. Là, les chatbots dont vous avez mentionné, ceux qui ont fait défrayer la frayeur, c'était, ils parlaient de tout, de plus ou moins, etc. Donc, c'était vraiment, on se retrouve dans un bar et puis on parle. D'accord. Alors que la plupart du temps, quand on voit des chatbots sur des sites web, c'est pour une application très donnée, très ciblée. Et déjà là, on a beaucoup de frustration. Vous êtes d'accord avec moi? Quand vous allez essayer, je ne vous comprends pas, répétez votre question, je ne vous comprends pas, etc. Donc, même pour une tâche parfois bien précise, où c'est pour obtenir des informations sur un domaine cadré, on a des difficultés. Donc, et vous parlez d'empathie. Mais là, vous en avez déjà parlé dans une autre émission, mais prendre en compte les émotions, c'est-à-dire détecter les émotions chez l'humain, et aussi que la machine en simule de manière appropriée. Oui, il y a encore du travail à faire. Oui, c'est-à-dire que Nicolas Sabouret, on est très loin encore du film Heure de Spike Jonze avec ce héros qui finit par tomber amoureux de son assistante vocale sur son téléphone. Ouais. C'est sûr, on en est très très loin. Et vous parliez de mois ou d'années. Je pense que faut pas raisonner en mois ou en années. Là, on travaille en décennies. Oui, largement. Okay. Bon, en tout cas, on va essayer de comprendre précisément en dehors de ces exemples très particuliers ce que sont les chatbots. Vous allez voir qu'il y en a diverses formes, ceux avec lesquels nous sommes en contact au quotidien. Mais les chatbots, ce n'est pas que votre téléphone ou les sites internet. Il y a plein d'usages, notamment dans le domaine de la santé, qui peuvent être également des interfaces avec des personnes qui ont des troubles, bien justement, de l'empathie ou du comportement. Bref, c'est tout un univers que nous allons tâcher de parcourir aujourd'hui. France Culture, la méthode scientifique, Nicolas Martin. À 16h15, nous parlons donc des agents conversationnels ou chatbots en compagnie de Catherine Pellachaud et Nicolas Sabouret. Alors, Nicolas Sabouret, pour commencer, qu'est-ce que c'est précisément? Qu'est-ce qu'on appelle un chatbot? Alors, un chatbot, c'est un programme informatique dont l'objectif est d'être capable de comprendre, en tout cas de réagir correctement. Le terme comprendre est problématique puisque les machines ne comprennent pas, mais de traiter par le calcul et de répondre correctement à des énoncés qui sont faits en langue naturelle, donc dans le langage que nous utilisons tous les jours, pas un langage informatique. Et donc pour ça, il y a trois étapes. Il faut d'abord comprendre, interpréter ce que dit l'utilisateur et le transformer en quelque chose de traitable par la machine. Ensuite, aller chercher une réponse qui soit adéquate à partir de ces informations. Et ensuite, produire une réponse qui soit satisfaisante pour l'utilisateur. Et vous avez évoqué les difficultés tout à l'heure des chatbots. Bah, les problèmes peuvent arriver à chacun de ces trois étages. La machine peut mal comprendre la question, ne pas trouver la réponse, même si la question a été correctement traduite dans un modèle pour la machine. Et puis, même si la réponse est là, peut produire une réponse qui est désastreuse dans un contexte. Catherine en parlait tout à l'heure. Si elle n'est pas capable de présenter un minimum d'empathie dans sa réponse, ça peut conduire à une interaction qui est très problématique. Comment le définiriez-vous, Catherine Pellachaud, de votre côté? Quelle serait votre définition de l'agent conversationnel? L'agent conversationnel, c'est vraiment ça. C'est donc utiliser le langage naturel, donc du côté de l'utilisateur, mais aussi du côté de la machine. Donc établir une conversation avec machine-humain. D'accord. En vue de, ou bien de chatter, enfin de discuter, ou bien obtenir des informations, ou bien résoudre un problème, etc. D'accord. Donc c'est vraiment ça. C'est le langage naturel. C'est ça. Le langage naturel, c'est important. C'est-à-dire qu'en fait, en termes techniques, on dirait passer du NLU au NLP, c'est-à-dire Natural Language Understanding, la compréhension du langage naturel, Natural Language Processing, c'est-à-dire à la formulation du langage naturel. Oui, c'est cela. Mmh. Et donc, pour cela, il faut, comme dit Nicolas, interpréter les signaux. Et bon, là, pour l'instant, on ne parle que de la parole, mais dans la parole, il y a la prosodie de la voix, mais aussi il y a tout le comportement, les directions de regard, les mimiques faciales, la posture. Mmh. C'est qu'il faut prendre en compte, qui sont nécessaires à l'interprétation d'un message, puis ensuite, à savoir quoi répondre. Hein. Donc avoir des connaissances. Avoir une base de données. Base de données. Avoir une représentation, se faire une représentation mentale de l'humain, d'accord ? Pour l'ordinateur, vous dites. Tant qu'à faire, oui. Oui, pour qu'il puisse s'adapter à l'humain. Là, parce qu'il y a une chose qu'on ne parle pas, c'est... L'adaptation à l'humain. Non, parce que vous dites les expressions du regard, etc. Ouais. C'est-à-dire que vous parlez de chatbots très élaborés qui sont portés par des automates, c'est-à-dire par des robots, Des agents. Parfois, on dit le langage agent conversationnel animé. Faut dire qu'ils ont un corps. D'accord. C'est le terme que l'on avait choisi dans notre communauté. À quand remontent les premiers agents conversationnels, Nicolas Sabouret, et pour quelle utilisation ont-ils été créés? Ça dépend de quel type d'agent conversationnel on parle. Si on parle juste des agents en mode texte, je pense que historiquement, c'est Elisa de Weizenbaum qui est le premier agent conversationnel, en tout cas, qui a été très connu les années 60. Voilà, 1960 au MIT, vous pouvez nous raconter un peu l'expérience Elisa? Alors Elisa, c'est un programme assez simple, qui se base sur un ensemble de règles pour essayer de repérer des mots-clés dans les phrases tapées par l'utilisateur et qui a quelques astuces. Soit il reconnaît des mots-clés qui renvoient à des domaines connus, la famille, les relations amoureuses, le travail, et qui renvoie une question... Donc en se comportant un peu comme un psychologue rogérien, en relançant systématiquement l'utilisateur, en lui renvoyant la question sur le thème donné, soit s'il n'a pas compris la phrase, il utilise quelques règles de grammaire assez malines pour retourner la phrase sous forme de question. Par exemple, je ne vais pas bien aujourd'hui, dites-moi pourquoi vous n'allez pas bien aujourd'hui. En fait, il n'a rien compris à la phrase, mais il a juste renvoyé la phrase à l'utilisateur. Et ce qui est génial, c'est que l'humain fait tout le travail en fait de conversation, l'agent fait pas grand-chose, mais ça c'est le premier agent conversationnel. Après, dans les années 2000, il y a eu tout ce que Catherine vient d'évoqué, qui est la partie empathie, la partie corps, et tout ça s'est développé plutôt à partir des années 2000. Donc les chatbots qu'on voit aujourd'hui dans nos sites internet, ils héritent plutôt des technologies qui viennent des années 2000 que des technologies d'Elisa, même si on trouve encore beaucoup de technologies à base de règles. Par ailleurs, si ça vous amuse ou si ça vous intéresse, on va vous mettre le lien sur notre fil Twitter, mais Elisa est encore en ligne, on peut encore discuter avec Elisa aujourd'hui. Peut-être un mot sur l'évolution depuis Elisa, quels ont été finalement les premiers usages concrets au développement finalement de l'informatique à la fin des années 80, début des années 90, de ces agents conversationnels. Et à partir de quel moment, finalement, les grands groupes qui sont apparus un peu plus tard ont commencé à y investir? Parce qu'il faut dire qu'aujourd'hui, tous les grands groupes investissent énormément dans les agents conversationnels. Alors, je pense qu'un des premiers rôles de ces agents conversationnels, c'était les FAQ. Lesquels? La foire aux questions. La foire aux questions. Donc, pouvoir répondre à des questions. Parce que c'est vrai que, déjà, c'est pour simplement un coup. Donc, souvent, avant le développement vraiment d'Internet... ont téléphoné pour avoir des informations, d'accord. Donc, ils se sont rendus compte qu'en mettant un agent conversationnel, et souvent il y avait une petite représentation humanoïde, ça a attiré, ça a inspiré les gens à poser leurs questions. Et ça a coupé énormément les coûts de société pour que les gens cherchent eux-mêmes les réponses, d'accord. Donc ça, c'était une des premières applications qui a été donnée. Et maintenant, il y en a beaucoup plus. Il y a des applications qui sont peut-être plus dans la santé. Après, on va parler des applications, évidemment, tout à l'heure. On peut se souvenir, peut-être, pour les plus anciens d'entre nous, du petit trombone de Word avec qui il fallait parler, qui était l'un des premiers agents conversationnels répandus pour tout le monde, même si, pour le coup, c'était une base de données très restreinte. Mais néanmoins, on pouvait tout de même lui poser ses questions. Oui, absolument. Mais il nous a joué parfois des problèmes, parce que une chose qu'il avait, c'est qu'il apparaissait quand on ne le voulait pas. Il avait cette tendance très agaçante de se mettre là sur la partie de l'écran sur laquelle vous travaillez. Et hop, Il se mettait là, il dit, avez-vous besoin d'aide? Vous êtes en train de travailler, vous n'avez pas besoin d'aide. Mais c'est encore maintenant une difficulté. Savoir quand la machine doit intervenir. Quand prendre le tour de parole? Et ça, c'est encore une question de recherche. Alors, si on résume un peu aujourd'hui, si on fait l'état des lieux aujourd'hui, on peut dire qu'il y a deux grands types d'agents conversationnels distincts et à des niveaux de complexité très largement différents. On peut parler des agents conversationnels déclaratifs, c'est-à-dire ceux finalement que l'on trouve sur les sites internet et qui vous proposent de l'assistance pour vous orienter dans vos recherches et in fine éventuellement vers un interlocuteur humain. Qu'est-ce que c'est exactement que ces agents-là? En fait, vous le disiez tout à l'heure, Nicolas Sabouret, ce sont des agents qui ne comprennent rien et qui sont vraiment des bases de données relativement simples à mettre en œuvre pour vous orienter au mieux en fonction de vos besoins. Alors, oui, tout à fait. Ce type d'agent conversationnel, en fait, fonctionne en transformant un signal audio ou un signal texte en une requête, comme l'a dit Catherine à l'instant, qui va chercher dans une base de type foire aux questions la question que vous avez posée. Simplement, vous l'avez pas formulée exactement comme elle est posée dans la foire aux questions, et il fait ce travail de transformation avec des systèmes souvent à base de règles. Aujourd'hui, on utilise plutôt des réseaux de neurones profonds parce que ça marche bien, mais voilà, il va vous trouver la bonne question. Et une fois qu'il a la bonne question, il va vous renvoyer vers la réponse en question ou la personne compétente sur cette réponse en question. Et donc, effectivement, il n'y a pas, mais il n'y en a pas non plus dans d'autres agents, il n'y a pas de compréhension de la part de la machine. C'est vraiment un traitement qui consiste à amener l'utilisateur au bon endroit à partir des informations qu'il nous a données. Ça, c'est une chose. Un mot peut-être sur ces agents déclaratifs, parce que on voit bien qu'ils se sont relativement améliorés ces dernières années, qu'ils sont moins dans « je ne comprends pas ». On effectivement, et peut-être que c'est la technologie derrière, comme le disait Nicolas Sabouret, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir une simple base de données, un simple filtre de base de données, on a derrière des petits réseaux de neurones qui permettent d'analyser de manière un peu plus fine. Absolument. Et je pense que maintenant, c'est les chatbots aussi, ils apprennent au fur et à mesure des interactions, ils apprennent au fur et à mesure à voir comment les gens formulent leurs questions pour pouvoir améliorer de plus en plus les réponses. C'est quel type d'apprentissage? C'est de l'apprentissage... Machine learning. C'est du machine learning, c'est de l'apprentissage supervisé. Oui, oui. Ça, c'est une chose. De l'autre côté, les chatbots, peut-être aujourd'hui les plus familiers, ce sont tous les assistants vocaux que l'on trouve sur les enceintes connectées, sur les téléphones portables. Et là, Catherine Pellachaud, c'est vraiment une toute autre technologie, c'est beaucoup plus complexe, pas tellement. Évidemment, il y a la voix, donc il faut prendre en compte la voix, d'accord? Il n'y a plus que le texte, mais en fait, avec le texte, il y a parfois vous avez des typos, parfois la grammaire n'est pas tout à fait correcte, etc. Ouais. Mais dans la voix, il y a aussi tout ce qui est la prosodie, il y a les hésitations, on se reprend, parfois il y a les émotions, donc il y a tout ça à prendre en compte, d'accord? Donc parfois, les machines... Elle ne prend pas en compte, elle ne montre pas d'empathie, donc elles ne vont pas prendre en compte les émotions, mais n'empêche, pour extraire et interpréter le message, il faut pouvoir les éliminer d'une certaine manière. Nicolas Sabouret. Fondamentalement, ce sont les mêmes techniques qui sont utilisées pour les enceintes connectées et pour les agents qu'on trouve sur les sites internet. C'est-à-dire, il s'agit effectivement de trouver la bonne requête qui a été émise par l'utilisateur. Et donc, il n'y a pas de grosse différence dans les techniques qui sont utilisées. La technique la plus en vogue aujourd'hui, parce qu'elle donne des résultats très très bons, ce sont les techniques à base de réseaux de neurones profonds, qui est une technique d'apprentissage automatique. Mais globalement, il n'y a pas de grand changement entre les deux. Je pense que ce que disait Catherine à l'instant, c'est que les changements vont être plutôt dans d'autres types d'agents qui, eux, vont utiliser des dimensions socio-affectives qu'on n'a pas encore évoquées là. Alors, par exemple, lesquelles? Par exemple, on utilise des agents conversationnels dans le domaine médical, pas mal, parce que dans le domaine médical, on est dans des situations où il y a de l'affect. On a des personnes malades, des personnes souffrantes. On peut, par exemple, aider les médecins à se former à interagir avec un patient, à montrer plus d'empathie, à mieux comprendre ce qu'exprime le patient en termes de douleur, etc. On reviendra sur le domaine médical tout à l'heure et sur cette déclaration que je trouve intéressante, parce qu'on parlera évidemment un peu d'éthique, de se dire de former un médecin à avoir plus d'empathie en se formant avec un assistant conversationnel robotique, ça peut paraître un peu paradoxal. La question, c'est que aujourd'hui, on voit bien et on est confronté aux limites de ces agents conversationnels. On voit bien que quand on demande à un tel ou un tel de telle compagnie régulièrement, il comprend mal, la reconnaissance vocale est pas parfaite. On voit bien que ces petits agents dans le coin du navigateur ont un niveau d'intelligence relativement limité. Quelle est la marge de progression aujourd'hui de ces agents conversationnels, effectivement, à la fois dans finalement la base de données dans laquelle ils vont aller chercher des résultats qui peut augmenter, mais aussi dans les niveaux de compréhension, dans les niveaux de restitution? Est-ce que ça progresse encore relativement vite, ou est-ce qu'on est finalement face à une sorte de limite technologique? Alors là, je pense qu'on fait des progrès, aussi bien en reconnaissance qu'en synthèse vocale. La voix naturelle est de plus en plus naturelle, de plus en plus expressive. D'accord, il faut absolument ça pour pouvoir une restitution. Et il y a une chose, pour l'instant, on parle de un peu question-réponse, question-réponse, question-réponse. D'accord, mm-hmm. C'est pas un dialogue. Et là, ces machines tendent aussi vers le dialogue. C'est une chose, c'est-à-dire que la réponse que vous faites à un instant T prend en compte ce que vous avez répondu, ce qui a été discuté à l'instant d'avant. Mmh. D'accord, comme un peu ce que l'on fait là maintenant, où on rebondit l'un sur les autres. Mmh. D'accord, et ça, c'est important. Mmh. Nicolas Sabouret, sur les marges de progression. Oui, je pense que ce que tu viens d'évoquer, Catherine, est complètement, est un élément important. Je pense que dans les marges de progression, il y a la difficulté que les systèmes aujourd'hui sont programmés pour reconnaître un ensemble de questions qui est déjà prédéfini, et donc ils essayent à tout prix de tomber sur les questions qu'ils connaissent. C'est ce qui conduit au résultat de « je vous ai mal compris » ou quand on pose une question, l'agent propose une réponse qui nous convient pas, donc on dit « non, mais c'est pas ça que je cherche ». Et là, comme il n'y a pas de dialogue, comme vient de le dire Catherine, l'agent comprend pas qu'on lui dit que c'est la réponse d'avant qui ne va pas, donc il essaye de retrouver une question qui collerait, et on tombe dans un dialogue de sourds qui est extrêmement désagréable. Donc il y a aussi la difficulté aujourd'hui de sortir de « je cherche à tout prix une réponse qui va être dans la base qu'on m'a fournie ». Les agents ne savent pas dire « cette question, je n'ai pas la réponse et donc il va falloir chercher autrement ». Alors justement sur l'amélioration, en tout cas sur le développement de la recherche en termes d'agents conversationnels, eh bien ça tombe bien puisque c'est l'heure de retrouver la recherche montre en main. Et aujourd'hui, nous avons le plaisir d'être en ligne avec Léa Efflinger. Bonjour. Bonjour. Vous travaillez sur la gestion de l'attention multipartie pour un agent conversationnel incarné. C'est une thèse que vous effectuez depuis novembre 2021 à l'université Grenoble-Alpes. Bienvenue à la recherche montre en main, on vous écoute. Bonjour à tous, merci pour votre accueil. Donc, comme vous l'avez dit, le sujet qui va m'occuper pendant ces prochaines années est la gestion de l'attention multipartie pour un agent conversationnel incarné. Alors décortiquons ensemble cette phrase, en commençant par la fin, « agent conversationnel incarné ». Donc on a notre agent conversationnel, mais dans un corps physique, celui d'un robot dit social. L'agent peut alors interagir avec son environnement. La conversation peut prendre une autre dimension et ne plus seulement passer par du verbal. Selon les capacités du robot, il va alors pouvoir regarder les différents acteurs de la conversation, mais aussi pointer des objets ou des directions du regard, ou encore exprimer des émotions grâce à des expressions faciales. Et oui, une conversation naturelle n'est pas seulement verbale, mais multimodale. En particulier, beaucoup d'informations passent par le regard. On peut alors revenir au premier mot du titre de ma thèse, gestion de l'attention. Mon objectif principal va être de modéliser le comportement du regard de mon robot pour que celui-ci soit le plus naturel possible. Enfin, le dernier mot-clé de ma thèse est multipartie. Là où dans une conversation entre deux personnes, dites face à face, les rôles locuteur et destinataire sont clairement identifiables, la discussion entre un groupe de plus de deux personnes, dites multiparties, augmente la complexité de l'interaction. En effet, il n'y a dès lors plus seulement deux rôles possibles, locuteur et destinataire, mais il peut y avoir plusieurs destinataires avec un principal et deux secondaires. Le robot ne regarde plus uniquement celui qui parle, mais il peut aussi regarder le destinataire pour observer sa réaction. Bien sûr, le comportement des acteurs de cette interaction est dépendant de ces rôles. Cela ajoute aussi de la difficulté à la gestion des tours de parole. Imaginons un robot guide de musée entouré de visiteurs. Plusieurs personnes peuvent poser des questions en même temps et s'interrompre. Le robot ne peut alors concentrer son attention que sur une seule personne. Malgré toutes ces questions et difficultés, les humains arrivent entre eux à avoir des interactions fluides. On connaît, sans même le dire, le rôle de chacun et qui souhaite prendre la parole ou la garder. Si cela est possible, c'est grâce à des codes sociaux implicites que chacun connaît. Comme dit précédemment, l'interaction est multimodale. Les indices de ces codes sociaux peuvent être verbaux, avec l'intonation de la voix, mais aussi avec la sémantique de la phrase. Et non-verbaux avec les mouvements de tête, la gestuelle et le regard. Pour que notre robot puisse tenir une conversation de manière fluide et naturelle, il faut qu'il puisse percevoir et décoder ses codes et en émettre à son tour. Dans le but d'identifier ces règles, on a étudié des données en situation réelle obtenues d'interactions entre deux humains et un robot téléopéré. La téléopération signifie que le robot reproduit les mêmes mouvements de tête et de regard que son pilote qui est un expérimentateur dans une autre pièce à côté. Ainsi, le robot a un comportement le plus proche de celui d'un humain. Le cadre de ces interactions est un jeu de collaboration où le robot piloté en est l'animateur. Pour tirer le plus d'informations de ces données, on est passé par une phase d'annotation. Qui parle, que dit-il, où regarde les joueurs? Toutes ces informations sont des potentiels indices qui pourront guider notre robot. On a ensuite sélectionné celles qui nous paraissaient expliquer au mieux le comportement du pilote du robot lors de ces interactions. Enfin, pour modéliser et pour par la suite générer le comportement de regard et de tête du robot, on entraînera prochainement un réseau de neurones artificiels à qui l'on donnera en entrée les informations que l'on a extraites. Grâce à ce modèle d'intelligence artificielle, notre robot n'aura bientôt plus besoin d'être piloté par un humain pour savoir vers qui porter son attention. L'évaluation de notre modèle passera par une nouvelle phase d'expérimentation, toujours dans ce cadre d'animation d'un jeu. Dans des perspectives futures, on pourrait essayer de non plus simplement gérer le regard du robot, mais d'utiliser son attention pour impacter le déroulé du jeu. Par exemple, réguler et équilibrer les temps de parole des deux joueurs. Ce type de robot social pourrait être utilisé comme un robot d'accueil ou encore assistant en médecine pour faire passer des questionnaires ou des protocoles rigoureux. Merci beaucoup. Ah, vous avez terminé, hein, Léa ? Oui, bien sûr. Ok, merci. Comme on est à distance, c'est pas toujours évident. Merci beaucoup pour la présentation de vos travaux. Peut-être une réaction justement à ce que vous venez d'entendre. Et là, alors on est effectivement dans l'étape d'après parce qu'on est dans l'incarnation et on va y venir. Mais dans l'incarnation multipartie, on arrive à des choses quand même relativement complexes. Catherine Pellachaud. Alors là, je suis tout à fait d'accord. Je pense que la communication est cette faite multimodalement. Là, vous avez une convaincue en face de vous. C'est vrai que lorsqu'on parle, on parle. Même à la radio, là où personne ne peut nous voir, on fait des gestes, on a le regard, on a les expressions du visage. Et ça participe aussi bien pour le locuteur que pour l'interlocuteur. Donc, le non-verbal est fondamental. D'accord. Nicolas Sabouret. Oui, je suis convaincu aussi. On l'a tous vu pendant la période Covid où les interactions vidéo différées étaient compliquées parce qu'il y a ces temps de latence qui font qu'on n'a plus de communication naturelle. Ce qui s'est passé avec Léa par ailleurs, voilà. Quand elle a terminé son papier. Et donc il manque tous les signes co-verbaux dont a parlé Léa qui montrent qu'on est prêt à passer la parole à quelqu'un d'autre. Eh bien, on va continuer à examiner ces agents conversationnels et on va voir effectivement que passer à l'étape d'après, une fois de plus, ce n'est pas que ces petites fenêtres agaçantes qui vous redirige sur les sites internet, mais qu'il y a beaucoup d'applications dans le domaine socio-médical et psychosocial. On en parle dans quelques secondes musicales. Virtuel de contrefaçon à 16h35 sur France Culture, puisque nous parlons du monde virtuel, mais de son interface avec le monde réel, puisque nous parlons des agents conversationnels ou chatbots, en compagnie de Catherine Pellachaud, directrice de recherche CNRS à l'Institut des systèmes intelligents et robotiques de Sorbonne Université, et de Nicolas Sabouret, qui est professeur en informatique à l'Université Paris-Saclay, enseignant à Centrale Supélec et chercheur au laboratoire interdisciplinaire des sciences du numérique. Maintenant que l'on sait donc à peu près comment fonctionnent les chatbots, il est temps de nous nous demander à quoi ils servent concrètement. La bonne nouvelle, c'est qu'ils ne servent donc pas uniquement à vous orienter vers votre conseiller en assurance après 19 étapes ou à vous autoriser à enfin envoyer un mail à l'assurance maladie. Bonjour Alexandra Delvaux. Bonjour Nicolas. Les chatbots sont étudiés et employés dans le domaine médical et psychosocial, en l'occurrence pour tâcher de répondre aux doutes sur la question vaccinale. Oui, j'ai rencontré Hugo Mercier, chercheur CNRS en sciences cognitives à l'Institut Jean Nico à Paris. Son étude démarre au tout début de l'année 2021 avec les toutes premières vaccinations contre la Covid-19 lorsque l'hésitation vaccinale était encore très forte en France. Et pour lutter contre ces doutes, ce chercheur et ses collègues de l'ENS et de l'INSERM ont utilisé un chatbot capable de répondre à 51 questions parmi les plus répandues sur ces vaccins. Et ensuite, ils ont divisé les participants en deux groupes, un groupe expérience avec le chatbot et un groupe contrôle où les sujets ne lisaient qu'un court paragraphe d'informations sur les vaccins. Résultat, les participants qui ont utilisé ce chatbot ont une opinion plus positive des vaccins et se déclarent plus enclins à se faire vacciner. Alors le contexte était un contexte assez inquiétant parce que nous avions réalisé avec d'autres chercheurs que à la fin de l'année 2020 et au début de l'année 2021, il y avait en France un taux d'hésitation vis-à-vis des vaccins Covid qui était très élevé, dans le sens où à un moment on n'avait que 25% de la population qui disait vouloir se faire vacciner, donc ça c'était avant que les vaccins ne soient mis sur le marché. Donc ça c'est le contexte un peu médical. Du point de vue du contexte théorique, en fait, il y a beaucoup d'études qui montrent que l'argumentation peut être un vecteur très efficace de changement d'avis. Donc en gros, par exemple, si vous pouviez mettre un épidémiologue ou un virologue pour discuter avec chaque personne un peu hésitante vis-à-vis de la vaccination, on aurait de très bons moyens de convaincre tout le monde. Bien entendu, on n'a pas assez d'experts pour pouvoir faire ça. Et donc, ce qu'on a essayé de faire, c'est d'essayer de recréer un petit peu les vertus de l'argumentation d'une manière qui puisse être déployée à grande échelle. Et en particulier, une des grandes vertus de l'argumentation, c'est son caractère dialogique, donc les allers-retours, le fait que les gens discutent, le fait que les gens puissent donner des contre-arguments qui vont être traités par l'autre partie. Et donc, on a essayé de recréer ça dans un chatbot. Alors, le chatbot a été conçu donc sur la base d'une revue assez importante de la littérature et également sur la base d'enquêtes d'opinion dans lesquelles on demandait aux gens non seulement donc pourquoi est-ce qu'ils voudraient bien se faire vacciner, mais aussi pourquoi est-ce qu'ils hésitaient à se faire vacciner. Et donc, on avait une vue assez bonne de tous les arguments et contre-arguments les plus courants au sujet de la vaccination contre le Covid. Alors, par exemple, les grandes questions qui se posaient, c'était les vaccins contre la Covid sont-ils sûrs ? Les vaccins contre la Covid sont-ils efficaces ? Est-ce qu'on a assez de recul sur les vaccins contre la Covid-19? Donc ça, c'était à nouveau une question qui était très pertinente à l'époque. Faut se replacer. Donc on était en début 2021. On avait encore peu de gens qui avaient été vaccinés. Peut-on faire confiance à ceux qui produisent donc ces vaccins? Et est-ce que j'ai besoin, moi, personnellement, de me faire vacciner? Donc ça, c'était les grandes catégories de questions. Et l'avantage du chatbot, c'est de pouvoir creuser, en fait. Donc par exemple, les personnes qui voulaient savoir si les vaccins Covid étaient efficaces, pouvaient en savoir plus sur l'efficacité de la vaccination en général, sur est-ce que le vaccin nous protège nous, mais est-ce qu'il protège aussi les autres, est-ce que les vaccins sont plus efficaces que les effets placebo. Et donc l'avantage de ce format de chatbot, c'est que les gens qui ne sont pas satisfaits des réponses qui sont apportées immédiatement peuvent creuser, peuvent essayer de voir s'il y a des contre-arguments auxquels le chatbot n'a pas de réponse, et ainsi découvrir plus d'informations. Votre étude s'est portée sur donc deux groupes, un groupe test de 338 personnes et un groupe contrôle de 305 personnes. Comment est-ce que vous avez sélectionné les participants et ensuite comment s'est déroulée l'étude ? Alors, de plus en plus, la psychologie expérimentale, donc ce que nous faisons avec nos collègues, s'appuie sur des échantillons qui sont recrutés en ligne, donc à utiliser des plateformes qui sont dédiées à ce genre d'études. Donc on va poster notre étude en ligne et on a des participants qui vont se porter volontaires et qui vont être rémunérés pour cela, donc qui vont prendre part à l'étude. Donc du point de vue du participant, comme dans toutes les expériences, on commence par leur demander leur consentement pour être sûr qu'ils savent bien ce qu'ils font. Ensuite, il y avait une enquête préliminaire qui consistait en une petite dizaine de questions très simples visant leurs attitudes vis-à-vis de la vaccination ainsi que leurs intentions de se faire vacciner ou non. Ensuite, ils étaient exposés donc selon leur présence dans la condition contrôle ou dans la condition expérimentale, soit donc à un petit texte très bref sur la vaccination, soit au chatbot. Donc ils avaient un lien qui les renvoyait vers le chatbot. Ils étaient libres d'explorer le chatbot autant qu'ils voulaient, donc ils n'étaient pas payés davantage, par exemple, s'ils passaient beaucoup plus de temps sur le chatbot. Et après avoir exploré le chatbot à leur aisance, ils avaient une autre enquête qui visait donc à mesurer les mêmes attitudes que les attitudes mesurées initialement, mais donc après l'intervention. Quels résultats avez-vous pu en tirer ? Est-ce que les gens qui ont utilisé le chatbot avaient tendance à être plus favorables, du moins à la vaccination ? Oui, en effet, donc l'expérience a bien fonctionné. Donc, si on compare l'évolution des attitudes dans le groupe contrôle, dans lequel il n'y a eu quasiment pas d'évolution, ce qui est normal, et dans le groupe chatbot, il y avait moins de participants qui déclaraient ne pas vouloir se faire vacciner, donc ils passaient de 36 à 29%, et plus de participants qui déclaraient vouloir se faire vacciner, donc soit tout de suite, soit plus tard, donc une augmentation d'à peu près 8%, donc ce qui peut paraître assez minime, mais ce qui en fait, si ça avait été adapté à grande échelle, aurait potentiellement eu un effet assez dramatique, dans le sens où en janvier 2021, ce chatbot avait eu 12 millions d'usagers, donc qui correspond à la population des gens qui se déclaraient comme étant hésitants vis-à-vis de la vaccination Covid-19 à l'époque, il y aurait eu environ 1,4 million de personnes qui auraient changé d'avis. Et votre étude présente tout de même certaines limites, notamment de sélection des participants qui sont donc rémunérés, qui doivent avoir accès à un ordinateur pour pouvoir répondre à tout ça. Donc voilà, quelles sont les limites que présente votre étude ? Alors il y a en effet plusieurs limites. Une est que nous n'avons pas un échantillon qui est parfaitement représentatif, dans le sens où, par exemple, on a moins de personnes âgées et moins de personnes peu éduquées qu'un échantillon représentatif. Et une autre limite, c'est qu'en effet, nos participants étaient rémunérés pour prendre part à cette tâche, ce qui veut dire que si ces mêmes participants avaient eu accès au chatbot, par exemple, par le biais de l'application Tous Anti-Covid, on ne sait pas s'ils auraient spontanément été utilisés le chatbot. D'un point de vue recherche, une des prochaines étapes consiste à essayer de surmonter une de ces limites, ce qui consisterait par exemple à faire une expérience à grande échelle, dans laquelle un message, soit un email, soit un message texto par exemple, serait envoyé à un très grand nombre de personnes, avec un lien vers le chatbot, pour voir combien de personnes vont spontanément aller utiliser le chatbot, et voir si ensuite il a un effet. Donc voilà, on sait en fait, il y a de nombreuses études dans plein de disciplines, qu'il s'agisse des sciences politiques, de la psychologie, de la sociologie, des sciences des médias et dans beaucoup d'autres, on sait que persuader beaucoup de gens rapidement est très très très difficile. Et donc nous espérons que ces outils de chatbot puissent être une petite addition à l'arsenal des par exemple des autorités médicales qui souhaitent diffuser rapidement des messages à grande échelle, quelque chose qui permette de les aider un petit peu, même si cet objectif de persuader beaucoup de gens reste très difficile à accomplir. Et voilà comment des machines peuvent contribuer à augmenter l'assiette vaccinale, ou en tout cas à convaincre des êtres humains de chair et d'os de se faire vacciner là où ils ne l'étaient pas. Ça peut paraître presque un peu de la science-fiction, et pourtant, manifestement, ça fonctionne, Nicolas Sabouret. Oui, il y a plusieurs exemples comme ça d'agents qui ont eu des effets très bénéfiques sur la santé de la population. On vient de parler de ces chatbots vaccinaux, même si eux, ils n'ont pas été mis en production. On a un collègue de Bordeaux qui a fait une étude très intéressante avec des agents pour les troubles du sommeil, où il a montré que l'utilisation d'agents conversationnels comparé à juste un questionnaire comme les patients avaient l'habitude d'en avoir, améliorait sensiblement la santé des patients. C'est-à-dire, comment ça fonctionne ? C'est qu'au lieu de juste répondre aux questions en remplissant des champs, combien de fois je me suis réveillé cette nuit, est-ce que j'ai mal dormi, etc., on discute avec un agent et on obtient les mêmes réponses du point de vue médical. Le corps médical obtient les mêmes réponses, mais le fait d'avoir conversé avec un agent fait que à la fin, les usagers auront un meilleur traitement de leur trouble du sommeil. C'est-à-dire qu'ils sont mieux orientés. Est-ce que ça veut dire qu'ils prendront plus soin de leur santé ? Est-ce que ça veut dire que... on ne sait pas exactement, là je ne saurais pas expliquer exactement quels sont les mécanismes qui se sont produits chez les patients, mais le fait est qu'en sortie, à la fin, les patients sont en meilleure santé. Donc quelque chose s'est passé dans toute cette chaîne d'interaction qui montre l'intérêt des agents. Par contre, je voudrais revenir sur un point important, c'est qu'on parle de technologie conversationnelle, mais on a parlé aussi à l'instant de technologie persuasive. Et il faut faire attention, les technologies persuasives, persuader les gens de se faire vacciner contre le Covid aujourd'hui, on est tous convaincus que c'est bien. Persuader les gens que la guerre en Ukraine, c'est sympa, ça nous choquerait bien un sûr. Petit peu. Non, ça, c'est assez intéressant, on va revenir sur les questions d'éthique et notamment sur les agents conversationnels qui peuvent être implémentés dans des jouets, et c'est vraiment effectivement très important et ça fait partie des limites. Mais Catherine Pellachaud, un mot là-dessus, peut-être sur les usages médicaux qu'on a commencé à évoquer avec parfois l'incarnation. Il y a malgré tout quelque chose d'un peu paradoxal dans l'idée qu'on améliore la santé des êtres humains en les confrontant plutôt à des robots qu'à d'autres êtres humains. Ça, ce n'est pas... C'est pas la bonne question, si je peux me permettre. Parce qu'en fin de compte, lorsqu'on développe ces agents conversationnels incarnés, virtuellement ou avec un robot, c'est pour assister l'humain. D'accord ? C'est pas pour remplacer. On ne remplace pas un docteur. On ne remplace pas une infirmière. Par contre, on peut aider. Faire passer des questionnaires, ça prend du temps. Si on obtient les mêmes réponses au niveau médical, avec un agent virtuel ou bien avec une infirmière qui pose des questions, autant utiliser un agent virtuel et utiliser les infirmières pour d'autres tâches où là, la machine ne fonctionne pas. D'accord ? Donc, c'est-à-dire il y a ces deux aspects-là. L'argumentaire, c'est de dire que ces agents conversationnels, effectivement, empêchent, remplacent ou se substituent à des tâches répétitives qui sont d'une certaine manière, d'une perte de temps et qui permettent d'accélérer et de libérer du temps pour les personnes qui étaient en charge de ces tâches. Absolument. Il y a une autre application aussi où les agents conversationnels fonctionnent bien. C'est par exemple pour aider les personnes à changer de comportement. Ça peut être prendre régulièrement ses médicaments, ça peut être pour changer au niveau pour les repas alimentaires, ça peut être au niveau sportif, par etc. exemple, donnez-nous des exemples concrets. Parce qu'on ne voit pas bien comment un agent conversationnel peut changer mon régime alimentaire, par exemple. Par exemple, vous allez discuter avec lui régulièrement, c'est une machine. Vous l'avez sur votre téléphone mobile, vous l'avez sur votre portable, vous l'avez, si c'est un petit robot, vous l'avez aussi si vous avez un petit robot chez vous, etc. Et vous allez pouvoir discuter régulièrement avec cette personne. Si vous allez voir un médecin... Avec cet agent. Oui, vous avez raison. Et c'est parce que si vous avez rendez-vous avec le médecin, c'est quoi ? C'est tous les mois, si c'est très rapide, si c'est plus tous les 6 mois. Donc là, vous avez un logiciel, je fais attention là maintenant, qui vous rappelle et surtout qui vous donne des arguments. C'est ça la chose, ce que nous a montré l'interview que vous avez montré, c'est que les humains peuvent poser des questions, et la machine peut donner des informations, peut argumenter, avoir différents points de vue. D'accord ? Et c'est là où l'humain prend conscience des différents points de vue et peut-être après décider, ah oui, je comprends, il faut que je change mon alimentation pour telle ou telle raison. On voit bien qu'outre le lapsus de Catherine Bellachaud, qu'on arrive dans des zones où effectivement on ne peut pas ne pas soulever un certain nombre de questions éthiques sur le remplacement de la fonction, ou en tout cas le remplacement de l'interlocuteur humain, ou par exemple, vous l'évoquiez tout à l'heure, Nicolas Sebouret, il y a un agent conversationnel qui a été développé pour encourager les médecins à faire preuve de plus d'empathie envers leurs patients. Ce qui, vous voyez bien la boucle de rétroaction un peu curieuse derrière, de se dire que pour avoir une meilleure empathie, on utilise finalement une machine. Oui, alors, deux choses. D'abord, ce que Catherine a dit avant son lapsus était aussi intéressant, hein, c'est que les machines fonctionnent bien pour entraîner l'utilisateur, et donc ça c'est observé parce qu'elles remplacent l'humain dans des tâches qu'il n'est pas possible de faire à des humains. Comme on l'a entendu dans le reportage, on ne peut pas demander à un épidémiologiste de parler à chaque Français. On ne peut pas demander à un coach santé de parler à chaque Français qui ait un problème d'obésité. Et pourtant, avec des agents, on arrive à retrouver des effets très positifs sur la santé. Donc ça c'est un usage qui est quand même positif des agents, il ne faut pas l'oublier. Les problématiques que vous évoquez, après, de s'entraîner avec une machine, moi, me choque beaucoup moins que vous. Moi, elle me choque pas particulièrement. Les interroges. J'ai pas d'avis particulier. Je choque moins que vous, les auditeurs, j'entends. Enfin, le grand public. Ça fait longtemps que les sportifs s'entraînent face à des machines. On fait plein de choses avec des machines depuis des années. Ce qui nous heurte toujours un peu, c'est que comme ces machines donnent l'impression de penser, elles simulent de la cognition humaine, on se dit, elles vont nous remplacer, elles essayent de nous imiter. Non, les machines ne nous remplacent pas, ne nous imitent pas. Elles sont là pour nous aider à progresser juste après. Et voilà, donc je reste convaincu que la machine est aussi peut être un très bon outil pour former des gens, y compris à interagir avec des humains. Les pilotes d'avions apprennent à piloter dans des simulateurs avant de piloter avec des vrais avions. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas qu'ils s'entraînent avec des vrais avions aussi. De même que les médecins, j'espère que tout au long de leur vie, ils ne font pas que s'entraîner sur des machines. J'espère qu'ils voient des vrais patients aussi de temps en temps. Catherine Bellachaud, vous voulez réagir ? Oui, absolument. Donc c'est pour vous parler aussi que les médecins qui s'entraînent... mais dernièrement, ils s'entraînaient tout de même avec des acteurs. D'accord ? Et la difficulté, il faut que les acteurs soient disponibles quand les médecins sont disponibles, ce qui rend beaucoup de difficultés. De plus, lorsque les médecins s'entraînent avec des personnages virtuels, parce que là, ils peuvent le faire quand ils ont du temps, etc., il y a tout de même un humain derrière qui peut expliquer où ça n'allait pas. D'accord ? Donc, ce n'est pas la machine qui fait tout le travail. C'est la machine est là pour mettre en situation... D'accord, être relativement crédible hein, on ne parle pas de réalisme, parfois on parle de ça soit crédible, pour que le médecin ou l'infirmière, enfin, la personne qui veut s'entraîner, se trouve en situation écologique et réagisse le plus possible. Ensuite, il peut y avoir ensuite un humain derrière qui va expliquer, regardez, voici, vous avez montré tel regard, vous avez fait telle expression faciale, vous avez donné telle réponse, c'est-à-dire ça a entraîné telle chose, etc. Oui, c'est-à-dire qu'il y a toujours un être humain derrière qui finit par interpréter les résultats qui sont retransmis par la machine. Oui, Nicolas Sabouret. Et autre chose très importante, ça a été l'un des grands succès des agents conversationnels au début des années 2000 et jusque dans le milieu des années 2010, c'est qu'il n'y a pas de risque social avec une machine. C'est pour ça que les agents conversationnels ont été très utilisés au début pour aider les autistes à progresser dans leurs interactions avec les neurotypiques et sont encore utilisés aujourd'hui. Hein. Et quand vous entraînez face à une machine, si vous vous plantez, c'est pas grave, vous n'avez pas fait de mal à la machine, on redémarre le programme et tout continue comme avant. S'entraîner avec des vrais patients ou s'entraîner en situation, c'est plus compliqué, c'est risqué aussi pour l'utilisateur. Mais si on est par exemple, alors on va prendre évidemment des cas limitrophes, mais c'est évidemment ces cas limitrophes qui vont définir l'éthique. Si on est par exemple dans un contexte médical, en cas d'erreur, qui est responsable? Si la machine enjoint ou pousse un médecin à commettre une erreur, qui est responsable? C'est le médecin ou la machine? Alors, c'est quand même les médecins qui prennent des décisions. Donc, si la machine leur dit, c'est un problème qu'on a sur tous les, c'est un problème qui touche toute l'intelligence artificielle, qui est pas générale au chatbot. C'est, si on a des machines qui sont capables de faire des recommandations sur la base de données ou de règles écrites par d'autres humains, hein, c'est quand même des programmes, ça reste des programmes écrits par des humains, faut pas l'oublier. Si à la fin, la machine propose une décision et qu'un humain décide de suivre la décision de la machine, bah, certes, il a obéi à une injonction, mais il a aussi pris sa décision. Les humains ont encore un libre arbitre, heureusement. Donc non, les humains sont responsables de l'usage qu'ils font des machines. Je pense que ça, c'est important. Catherine Pachot ? Oui, je suis tout à fait d'accord. Alors, d'autres questions, on l'évoquait tout à l'heure. Évidemment, quand on est face à un agent conversationnel avec lequel on dialogue, il y a la question de l'influence que peut avoir cet agent conversationnel sur le comportement d'un tel ou d'un tel. On appelle ça le coup de pouce, le nudge. Là aussi, quelles sont les limites à mettre ? On pense, il y a plein d'exemples possibles. On pense notamment, par exemple, aujourd'hui, à des petits agents conversationnels qui peuvent être implémentés dans des jouets pour enfants, pour pouvoir discuter avec eux. Là, il y a quelque chose tout de même à encadrer de manière assez sérieuse. Enfin, il y a un thème à adresser, Catherine Pélachaud. Oui, absolument, parce que là, vous voulez être sûr. Les enfants peuvent être très influençables, peut-être plus que des adultes et encore. Mais il faut absolument être sûr de ce type d'information, des types d'influence que va faire les jouets. Ça, c'est essentiel. Hein. Ce qu'on ne sait pas bien aujourd'hui, c'est dans quelle mesure les enfants sont capables de faire la différence entre un jouet ou... C'est jusqu'à 4 ans. Voilà. On sait que tôt, ça peut être très embêtant. Donc, je pense que c'est très important d'avoir bien en tête que la machine ne doit pas se faire passer pour un humain. Voilà. Non. Là, on arrive aussi à cette question-là, qui est une question essentielle, parce que voilà, quand on est face à un agent conversationnel incarné par un robot, il n'y a évidemment pas de doute. Quand ces agents conversationnels vont t'amener à se développer, à être de plus en plus précis, par exemple, qu'est-ce qui va m'assurer, moi, utilisateur, que je suis sur une fenêtre de chat et que mon interlocuteur n'est pas un agent conversationnel, mais passe à un humain? Est-ce que là, il n'y a pas justement aussi des pratiques à encadrer, Catherine Pélachaud? Absolument. Là, il commence à y avoir des règles où il faut... quand vous avez au répondeur une machine, de le dire explicitement. Je suis une machine, d'accord ? Et ça, je pense que c'est essentiel. Il faut toujours dire, je suis une machine. C'est vrai qu'avec le robot, on peut... Ensuite, lorsque l'interaction démarre, c'est vrai que pour qu'elle fonctionne, d'une certaine manière, il faut presque oublier un petit peu que c'est une machine pour gérer tour de parole, etc. Mais il n'empêche, une machine, on fait on-off. Bien sûr, non, mais je pense même aujourd'hui, même dans l'état actuel des choses, aujourd'hui avec ces petites fenêtres de discussion d'agents conversationnels, je pense par exemple à des personnes âgées ou à des personnes avec des déficits ou des problèmes intellectuels, il n'est pas forcément compréhensible qu'on est en train de parler à quelque chose puisque ça se fait passer concrètement pour un petit personnage, pour un être humain. Comment est-ce qu'on, là aussi, encadre ce problème éthique? Oui, ça, alors, là, c'est un problème qui ne ressort pas de la technologie et de l'informatique, hein, c'est vraiment un problème de droit. Il faut obliger les sociétés qui utilisent ces chatbots à ce que leur chatbot se présente comme un assistant informatique et pas comme une fenêtre derrière laquelle il pourrait y avoir un être humain. Et donc il faut juste s'assurer que quand l'agent se présente, il n'y ait pas de doute sur le fait que c'est juste une fenêtre d'ordinateur. Aujourd'hui, il y a des lois qui encadrent ça ? Alors moi, je ne sais pas. Je sais qu'en Californie, depuis quelques années, il y a des lois. Mais en France là, en France, je ne pense pas. Il y a des groupes d'études sur la question, oui. Ça, ah, c'est oui, sûr. Ah oui, ça pour sûr, il y en a plein. Mais là, pour l'instant, je ne crois pas que ça soit passé dans la loi encore. Non. Mais je ne peux pas être sûr. Quels sont, si on se projette un peu maintenant dans le futur, on a parlé du domaine médical, quels sont dans les mois, dans les années à venir, le type d'application que l'on peut imaginer continuer à se développer en profitant eh bien, de l'amélioration des réseaux neuronaux, en l'amélioration de l'apprentissage non supervisé. Qu'est-ce qu'on peut penser dans le futur comme application pour ces... agents conversationnels, Catherine Pellachaud. Tout ce qui est jeu sérieux, qui permet de... On a déjà un peu parlé. Alors qu'est-ce que c'est, racontez-nous exactement. Ça, c'est l'utilisation des jeux vidéo, mais en vue d'apprendre quelque chose. D'accord. Donc Nicolas avait monté un projet européen il y a quelques années maintenant, dans lequel c'était développer un jeu sérieux pour entraîner des jeunes qui n'avaient pas de travail à passer des entretiens d'embauche. D'accord. En quoi ça consistait, Nicolas Sabouret, ce jeu? L'idée, c'est qu'on avait en face de nous un personnage virtuel animé, dont l'animation était justement réalisée par l'équipe de Catherine. Et ce personnage interprétait les signaux non-verbaux dont on a entendu parler dans le reportage tout c'est-à-dire à l'heure. C'est-à-dire avec une caméra? Avec une caméra, exactement. Et la voix, aussi les signaux co-verbaux, donc dans la voix. Et donc, il analysait ces signaux pour... étiqueter le comportement, l'attitude du jeune qui passait son entretien d'embauche, et ensuite lui faire un retour qui était encadré par un conseiller de la mission locale pour qu'il comprenne quand est-ce que son comportement non verbal et sa voix avaient pas été au top en termes de comportement dans un entretien d'embauche. Et les résultats étaient incroyables. On a des vidéos avant-après de jeunes en deux sessions d'entraînement avec l'agent. Ils changent de comportement, ils deviennent beaucoup plus vivants, beaucoup plus ouverts. On a tout de suite envie de les embaucher. Donc ça c'est dans le passé, dans le futur. Alors maintenant, si on se projette un peu, quels sont les autres types d'applications auxquelles on peut penser? Dans le futur, je pense que vont se développer tous ces personnages dont on a parlé qui sont là pour nous aider à mieux vivre en bonne santé. Je pense que ça, c'est un vrai besoin. On n'a pas la possibilité aujourd'hui, et plus tard non plus, d'avoir des aides médicales humaines pour chacun d'entre nous. Et pourtant, il y a des vrais besoins autour des difficultés de santé, faire plus de sport quand on est âgé, manger moins gras et moins sucré quand on est plus jeune. Enfin, et ça, c'est des choses pour lesquelles ces personnages virtuels peuvent nous aider. La technologie a beaucoup progressé, on arrive à avoir des interactions qui sont très naturelles, et on le fait moins avec de l'argumentation aujourd'hui qu'avec plutôt de la motivation. C'est-à-dire que l'agent aide la personne à comprendre ce qui ne va pas dans ce qu'elle fait, sans forcément chercher à convaincre la personne de changer. C'est une question pour conclure sur l'acceptabilité tout de même, parce qu'on voit bien que sur ces questions éthiques, on a quelques réactions sur Twitter, c'est-à-dire que il y a encore quand même un côté, ça braque encore quand même beaucoup de monde en disant pourquoi est-ce que finalement ces agents-là se remplacent ou se substituent à l'être humain. Enfin bref, il y a quelque chose dans l'intrusion de la robotique dans la vie quotidienne qui freine un peu encore. Oui, je pense qu'il y a cette peur comme quoi ces agents ou ces robots vont remplacer l'homme. Donc c'est vrai qu'il y a c'est une orientation. Hein. De plus en plus, les machines remplacent certaines tâches répétitives. Mais on en est encore très, très, très, très, très loin. D'accord. Et ce n'est pas une orientation vers laquelle on veut aller. En un mot pour conclure, Nicolas Sabouret, sur cette comment vaincre, est-ce qu'il faut vaincre cette résistance ou cette réticence? Je pense que c'est normal qu'on soit inquiet. Les machines, depuis qu'elles existent, remplacent les humains dans différentes tâches. Et donc les machines qui font de la cognition, qui essaient de reproduire de l'intelligence humaine, même si les machines ne sont pas intelligentes, forcément ça fait peur parce qu'on se dit ça va nous remplacer dans nos métiers, y compris qualifiés. Je pense pas. Je pense que effectivement, comme l'a très bien dit Catherine, ces machines vont nous aider à mieux travailler, à mieux vivre. Mais elles restent, il ne faut pas oublier qu'elles restent au service de l'homme. Elles sont faites par des humains. Et tant qu'elles sont faites par des humains pour des humains, elles vont rester au service de l'homme. Merci beaucoup à tous les deux, en tout cas, d'être venus nous parler de ces chatbots. Merci Catherine Pellachaud, merci Nicolas Sabouret. La méthode scientifique, c'est Alexandra Delboet, Eve Etienne, Amel Boucherka, Loïc Dutoit, Noémie Naguette-Saint-Vulfran, Natacha Triou, Hélène Trigueros à la réalisation, Ludovic Auger à la technique. Et comme toujours, la méthode scientifique, c'est en podcast sur l'application Radio France et en réécoute sur franceculture.fr. Et ce, à tout jamais, jusqu'à la fin des temps, jusqu'à preuve du contraire.